Le lendemain matin, à l'église, effectivement, Claudio arrête le moine qui allait le marier à Héro et, devant tous les invités rassemblés, accuse publiquement Héro. Oh, Héro, quelle héroïne tu eusses été si la moitié seulement de tes grâces extérieures avait ennobli tes pensées et les aspirations de ton cœur. Mais adieu, adieu, toi, si affreuse et si belle. Adieu, pure impiété, pureté impie. Pour toi, je fermerai désormais toutes les portes de l'amour. Le soupçon flottera sur mes paupières pour changer toute beauté en symbole du mal et lui ôter la grâce. Héro s'évanouit et son père se répand en imprécations contre elle. Pourrait-elle contester le récit imprimé dans le sang de ses joues? Ah, ne vis pas, Héro, n'ouvre pas les paupières, car si je croyais que tu ne vas pas bientôt mourir, si je croyais ton souffle plus fort que ta honte, je viendrais moi-même à l'arrière-garde de tes remords porter le dernier coup à ta vie. Et moi qui me plaignais de n'avoir qu'un enfant, moi qui grondais la nature de sa parcimonie. Oh, tu étais déjà de trop, fille unique. Pourquoi t'ai-je eu? Pourquoi as-tu toujours été adorable à mes yeux? Connais-je plutôt d'une main charitable ramasser à ma porte la fille d'un mendiant? En la voyant ainsi salie et tout éclaboussée d'infamie, j'aurais pu dire « Elle n'est point une partie de moi-même. C'est d'entrailles inconnues que sort toute cette honte. Mais ma fille que j'aimais, ma fille que je vantais, ma fille dont j'étais si fier et qui était tellement mienne que, ne m'appartenant plus moi-même, je n'estimais plus qu'elle. Ah, c'est ma fille, c'est elle qui est tombée dans ce bourbier, en sorte que la vaste mer n'a pas assez de gouttes pour la laver, ni assez de sel pour rendre la pureté à sa chair souillée. » Pour calmer Leonato, le moine puis Bénédicte interviennent. Le moine: ces seigneurs auront fait quelque étrange méprise. Bénédicte: deux d'entre eux ont toute la droiture de l'honneur. Et si leur sagesse a été égarée cette fois, c'est l'œuvre de Don Juan le bâtard, dont l'esprit s'acharne à tramer des infamies. Je n'en sais rien. S'ils ont dit vrai sur elle, ses mains la déchireront. Mais s'ils outragent son honneur, le plus fier d'entre eux aura de mes nouvelles.